chair, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. La seule fille que j'aime n'a pas su comprendre qu'elle seule comptait pour moi, et près de ma fenêtre je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas. Et qu'entre nous renaisse encore un grand amour, le passé ne sera plus qu'un triste souvenir. Mais si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur, elle comprendra enfin combien j'étais fidèle et elle viendra sécher mes pleurs. Et que j'ai le cœur beau, et que pour moi la vie sans elle ne compte pas. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. En écoutant la pluie, je pense à toi, oh, en écoutant la pluie, tout seul je pense à toi, oh.